Le voleur, par J.H. Rony. Il y a une providence dans ma vie, fit Charles Neuville, quelqu'un que je ne connais pas, dont je n'ai jamais vu et dont je ne verrai sans doute jamais le visage. Tout ce que je sais, c'est que c'est un voleur. Je le sais de sources certaines, puisqu'il a dépouillé mon propre père et que j'ai, pour ainsi dire, assisté au crime. J'ignore s'il a d'autres crimes sur la conscience, mais en juger par ce qui est arrivé à notre famille, les victimes ne seraient pas à plaindre. Vers ma 13e année, j'étais, comme beaucoup d'enfants de cet âge, possédé d'une passion frénétique pour la lecture. Quand un livre me plaisait, je ne pouvais me décider à m'endormir avant de l'avoir absorbé tout entier. J'allumais ma bougie dès que ma famille était couchée. Mes parents ne veillaient pas tard, et j'achevais le captivant bouquin. Quelquefois, la bougie manquait. Je poussais alors la scélératesse jusqu'à aller chercher une petite lampe qui servait à éclairer le corridor et que j'avais naturellement soin de remettre à sa place quand je me décidais enfin au repos. Une nuit du mois de septembre 1883, ma bougie mourut à l'instant où les guerriers Mangou s'apprêtaient à rôtir vivant le sympathique Jacques Mahurel, surnommé la terreur des Mounboutou. Il n'y avait pas moyen de dormir sans connaître le sort du héros. Je descendis à pas de loup pour aller détacher la petite lampe. Au moment où j'arrivais au bas de l'escalier, j'aperçus une filtrée de lumière qui émanait du cabinet de mon père. Je n'eus pas le temps de m'étonner. Un homme, vêtu d'une souquenille et masqué d'un mouchoir percé des trous nécessaires pour voir et pour respirer, avait surgi devant moi. Je me souviens que ma peur ne fut pas excessive, mais je n'en compris pas moins la nécessité de réfréner tout geste vain et surtout toute clameur compromettante. L'homme me dit d'une voix calme, douce et malgré cela extrêmement menaçante « Mon petit garçon, pas un cri, sinon ça finira mal. J'empruntais de l'argent à tes parents. Dis-leur que je le leur rendrai et que je les associe à mes affaires qui seront honnêtes. » Il me regardait dans les yeux fixement. La flamme qui jaillissait par les trous du mouchoir me dicta ma conduite. Il est incontestable que je redoutais de faire du bruit. Il est non moins incontestable que la crainte n'était pas le sentiment prédominant. J'étais hypnotisé. Le voleur dit encore « Tu vas venir avec moi jusque sur la route. Là, tu attendras jusqu'à ce que j'aie disparu. Et pas de blague, n'est-ce pas? Tu t'en repentirais pour toi-même et pour ceux que tu aimes. » Je le suivis à travers le parc, puis je fis quelques pas avec lui sur la route. Peu à peu, l'aventure devenait intéressante. Je ne pensais pas à l'argent emprunté. Et lorsque je vis disparaître la silhouette indécise derrière le tournant, il me sembla presque avoir vu le héros d'une de ces aventures dont le récit coûtait tant de bougies et d'huile à ma famille. Néanmoins, je compris qu'il me fallait aller avertir mon père, ce que je fis incontinent. Je craignais fort d'être grondé. Je ne le fus aucunement. Mon père, qui du reste m'aimait tendrement, ne pensa d'abord qu'à la joie de me voir sain et sauf et de rendre grâce à ce qu'il appelait mon sang-froid. Il perdait cependant une somme importante, eu égard à son petit patrimoine, 20 000 francs, soit près de 2 ans de notre revenu. 8 années s'écoulèrent. Nous n'avions pas entièrement oublié notre voleur, mais son souvenir nous était devenu de moins en moins désagréable. Mon père en plaisantait quelquefois et se demandait s'il avait fait fortune. Moi, j'y pensais avec un petit sentiment de déception. Il m'était resté de lui je ne sais quelle impression de force. Il m'avait longtemps semblé que, encore que criminel, il était homme à tenir parole, si les circonstances le permettaient. Ce sentiment, vif d'abord, s'effaçait à mesure et, vers ma majorité, avait fini par me paraître ridicule. Nous vivotions péniblement, mes études coûtaient cher. Mon père n'avait pu économiser la somme utile pour fonder mon établissement. Il allait falloir prendre sur le capital. Cela ne cessait de faire apparaître l'avenir en noir. Un matin que nous parlions mélancoliquement de ces choses, le facteur apporta une lettre recommandée. Elle venait d'Angleterre, pays où nous ne connaissions personne. Mon père l'ouvrit avec un peu de surprise. Il y trouva une lettre et un chèque. Le chèque, strictement nominatif, était sur le Crédit Lyonnais et se montait à 32 000 francs. La lettre disait « Veuillez trouver 6 juin un chèque de 32 000 francs en paiement de la dette que j'ai contractée envers vous le 16 septembre 1883. » Intérêt composé de 6% compris. Ce paiement ne me dégage pas. je veillerai pendant toute ma vie sur vous, sur votre famille, et surtout sur votre fils. » L'écriture de la lettre et celle du chèque ne correspondaient point, et lorsque j'ai plus tard cherché à dissiper un peu le mystère, j'ai complètement échoué. Nous restâmes quelque temps fort ébahis. « Mon intuition d'enfant ne se trompait donc point, » fis-je à la fin. Mon père se frottait les mains avec satisfaction. « Voilà, » fit-il, « ton établissement tout trouvé, si le chèque est bon. Par exemple, je n'accepte pas les intérêts. Leur origine est suspecte. Nous les donnerons aux pauvres. » Depuis, nous ne cessâmes de sentir sur nous une influence bienfaisante. Régulièrement, nous recevions des conseils sur le placement et le replacement de nos capitaux, conseils qui nous permirent de tripler notre patrimoine en une dizaine d'années. Et dès que j'ai obtenu mon grade d'ingénieur, des commandes imprévues me furent faites. J'eus des travaux importants et propres à me mettre en évidence. Tout cela me permit de réaliser, de mon côté, une fortune personnelle. Mais où l'occulte protection se manifesta sous la forme la plus providentielle et la plus fantastique, ce fut à propos de mon mariage. J'avais entrepris, il y a 6 ans environ, de construire un aqueduc pour le compte de M. Pierre de Borel, vieil Armagnac, qui s'occupe encore, au XXe siècle, d'astrologie et de magie. Cet homme taciturne, à la voix mordante et au sourire méprisant, m'offrit l'hospitalité. J'allais décliner l'invitation lorsque j'aperçus Mademoiselle de Borel qui traversait la cour. Je crois que c'est Balzac qui parle d'un amour né subitement chez un homme, rien qu'en voyant la façon dont une grande dame descendait un escalier. La démarche de Mademoiselle de Borel, si elle ne provoqua pas chez moi ce coup de foudre, du moins me remplit d'une admiration qui me détermina à rester au château. En quelques jours, je fus entraîné jusqu'au vertige par ses yeux couleur de fleuve, par ses joues soyeuses et d'une forme parfaite, par le sourire rouge et nacré de cette petite bouche, par l'herbe sauvage et douce de la chevelure. Il sembla que bientôt la contagion de mon amour atteignit cette délicieuse personne. Je vis paraître sur le divin visage d'abord une pitié charmante, puis quelque chose de craintif et de tendre qui me bouleversa. Bientôt, Mademoiselle de Borel, tout en gardant une parfaite réserve, ne dissimula pas le plaisir qu'elle éprouvait à me voir. Malheureusement, il ne fallait pas compter sur l'approbation de M. de Borel. Ce fou archaïque, outre sa passion de l'astrologie et de la magie, était entiché de sa noblesse, et d'autant plus qu'elle était plus chétive et du plus douteuse aloi. Il ne fallait pas douter que sa fille fît la moindre résistance à ses volontés. Quand même, elle en eut l'âge où une telle résistance pouvait être efficace. Clotilde de Borel avait la religion de l'autorité paternelle. C'était là un sentiment que je ressentais trop vivement moi-même pour ne pas le respecter chez les autres. Dans cette situation, j'essayais de lutter contre mon amour. Je luttais de bonne foi, mais ce fut peine perdue. L'image de Clotilde semblait se graver en moi en proportion de l'énergie que je déployais pour la chasser, si bien qu'au bout d'un mois, il n'y avait plus d'autre remède que la fuite. Toutefois, avant d'abandonner ainsi tout espoir de bonheur, je résolus de faire une tentative suprême auprès du vieux maniaque. C'était un matin plein de nuages gris de fer et vieil argent, où la lumière tombait lourdement sur le parc. M. de Borel me reçut parmi ses cornues, ses alambics, ses creusets, ses réchauds, toute une poterie et une verrerie surannée, dont une bonne part avait servi à des alchimistes du XVIe siècle. Le vieillard écouta ma demande d'un air morne et renfrogné, sans dire une parole. Quand j'eus fini, il répondit d'un ton sec. « Vous ne me déplaisez aucunement. Votre profession même est de celle que je voudrais à mon gendre. Mais je ne vais donner ma fille qu'à un homme de qualité. C'est là une résolution prise depuis la naissance de Clotilde et dont rien ne me fera revenir. » Il s'interrompit pour prendre un billet avec réponse que venait lui remettre un domestique, puis il ajouta devant cet homme avec un rire strident « Je me trompe. J'accueillerai comme gendre tout honnête homme que me ferait découvrir le trésor magique de maître Ambroise Chantesaigle, le grand alchimiste du Bourbonnais, trésor que la tradition prétend être caché dans un endroit souterrain de ce domaine. » Ce disant, il me congédia d'un signe de tête assez sec et commença d'écrire la réponse qu'attendait le valet de chambre, tandis que je me retirais le cœur navré. Toute espérance étant perdue, je me disposais à quitter le château. Cependant, je n'eus pas le courage d'exécuter tout de suite cette résolution. je me donnais 15 jours pour goûter jusqu'à la lie l'amère tristesse d'un amour sans lendemain. Un jeudi, vers le déclin du jour, je revenais de mes travaux dans une disposition d'esprit si lugubre que j'aurais, je crois, accueilli la mort sans révolte. Je me retirai dans ma chambre où je commençais à changer de costume pour le dîner, lorsque je vis une grosse enveloppe carrée sur la table. Cette enveloppe n'était revêtue d'aucun timbre. Elle portait mon nom, écrit en grand caractère. Un peu surpris, je restai 3 bonnes minutes à la considérer, puis je fis sauter le cachet. Je me trouvais devant une sorte de plan, tracé sur parchemin, qu'il ne me fallut pas regarder 2 fois pour voir qu'il était suranné. Une feuille de papier y était jointe, sur le revers de laquelle je lus « Voici le plan probable de l'emplacement du trésor de maître Ambroise Chantesaigle. » Au bas du plan, je lus une instruction qui complétait les instructions dessinées. Mon premier sentiment fut que j'étais victime d'une fumisterie, dont l'auteur était peut-être M. de Borel lui-même. Hypothèse assez vraisemblable, car ce vieillard, comme beaucoup de gens livrés à des études occultes, avait dans l'esprit un penchant à la mystification. Mais quand on est désespérément amoureux, il y a toujours place pour un brin de croyance au merveilleux, pourvu que ce merveilleux soit favorable. À tout prendre, je ne risquais rien. Il s'agissait tout juste de faire creuser une tranchée vers le milieu d'une clairière. Pour obtenir la permission de mon hôte, il suffirait de lui laisser entrevoir la possibilité de découvrir une fontaine. Le bonhomme avait l'amour de l'eau et la multipliait tant qu'il pouvait sur son domaine. Effectivement, je n'eus qu'à suggérer ce projet pour obtenir carte blanche, et dès le surlendemain, j'entreprenais mes fouilles. Après quelques tâtonnements, elles aboutirent à la découverte d'un conduit souterrain assez bas, qui semblait se prolonger au loin. Je m'y engageai seul, après avoir envoyé les ouvriers, et commençai des recherches pour lesquelles toute collaboration devenait inutile et même gênante. C'était déjà vers le soir. Muni d'une torche, je suivais le boyau ténébreux armé d'une petite poire électrique. Je dois dire que j'estimais actuellement ma démarche vaine et grotesque, mais tout de même, songeant que le plan ne m'avait pas tout d'abord induit en erreur, je gardais un lumignon d'espérance. J'arrivai à une espèce de saillie défendue par une plaque de fer rouillée, et que, suivant les instructions écrites, je devais faire sauter. J'avais avec moi les instruments nécessaires. La plaque fit une résistance honorable, mais finit par se rendre. Une cavité s'ouvrit dans la pierre, et j'aperçus au fond une grande cassette métallique. 1 heure plus tard, je me présentai devant M. de Borel, après l'avoir averti que j'avais une importante communication à lui faire. Le vieillard me jeta un regard étonné lorsque je déposai devant lui une vieille cassette ruineuse et sentant la terre. « Qu'est-ce cela ? » me dit-il d'un ton sec. Et toutefois tournant vers cette boîte évidemment ancienne un regard curieux et presque bienveillant. « Je ne le sais pas encore exactement moi-même, » répliquai-je, « car je n'ai pas ouvert la caisse. Ce n'était pas mon droit. Il y a pour le moins une chance que ce soit le trésor de maître Ambroise Chantesaigle. Et s'il en est ainsi, n'oublie pas que j'ai droit à la main de mademoiselle de Borel. » À ces mots, le maniaque perdit son impassibilité. Il promena sur la boîte une main tremblante de passion, main d'avare et de mystique, en s'écriant « Le trésor de maître Ambroise Chantesaigle. Non, ce serait trop beau. Avouez tout de suite que vous avez voulu vous venger de mon refus en me jouant un mauvais tour. » Il me regardait d'un air à la fois furieux et effrayé, plein d'angoisse et d'espérance. « Je vous donne ma parole d'honneur, répliquai-je, que je suis sincère. Certes, j'ignore ce que contient cette cassette, mais, en faisant les fouilles qui ont amené sa découverte, j'avais en vue la recherche du trésor de maître Ambroise Chantesaigle. Et je n'agissais pas tout à fait au hasard. » Dans l'excès de son émotion, M. de Borel se laissa choir dans un fauteuil. Il balbutiait d'une voix défaillante. « Je vous crois. » Puis d'un ton plus ferme, « Encore faudrait-il savoir comment ouvrir cette cassette. » « Il y avait sans doute une clé, remarquai-je, mais il est peu probable que nous la découvrions. Le plus simple sera de forcer la serrure ou de fendre le couvercle. » Cette proposition ayant obtenu l'assentiment du vieillard, je réussis assez rapidement à faire céder la mécanique. 2 petits lingots d'or et d'argent, 2 pièces de monnaie, 2 parchemins, s'étalèrent devant nous. Nous reconnûmes les effigies de Louis XI, Charles VIII, François Ier et 2 grimoires vénérables. M. de Borel se désintéressa complètement des monnaies et des lingots, qui pouvaient bien valoir 2 ou 3 000 écus, et se rua sur les parchemins. quand il les eut quelque peu examinés. Il se laissa retomber en arrière avec un sanglot de joie et cria « Le grand secret ! Le grand secret !» Puis, me saisissant la main, il ajouta « Allez, vous avez bien gagné votre salaire !» Ayant vivement remis les parchemins en place et fermé la cassette dans une armoire, il me conduisit auprès de Clotilde. Ce soir-là, je faillis mourir de bonheur. J'épousai Clotilde. Je menai auprès d'elle une existence délicieuse, tandis que mon beau-père s'adonnait aux pratiques enseignées par maître Ambroise Chantesaigle pour réaliser la transmutation des métaux et obtenir l'eau de jouvence. Il ne s'impatienta pas de ne pas aboutir, vu que maître Ambroise assignait une durée très longue aux expériences, et il mourut plein d'espoir. C'est après sa mort seulement que j'eus la clé de l'énigme. C'est le vieux valet de chambre qui, sur des instructions précises, avait déposé la cassette dans le souterrain en s'introduisant par une ouverture plus accessible que celle qui m'avait été indiquée. Les parchemins étaient d'ailleurs de vieux grimoires dont il avait suffi de falsifier deux ou trois pour les faire tous attribuer à Ambroise Chantesaigle. Je dus ainsi mon bonheur à une involontaire supercherie. Mais comme M. de Borel n'en eut aucunement à souffrir, et que ma femme est satisfaite de son sort, la fin justifie un moyen dont est seul responsable mon protecteur occulte. C'était Le Voleur, par J.H. Rony.